Vous écoutez CKRL au 89.1 et pour ce dernier fragment de Futur Simple, nous sommes toujours sur le thème des recherches en sciences de l'eau effectuées à l'INRS. On a vu avec Bouchra Nasri l'intérêt de mieux connaître la récurrence et l'importance des crues pour planifier les ouvrages, gérer les risques. Mais l'eau ne coule pas seulement en surface, elle coule aussi sous terre. Et pour développer le territoire en surface, il faut savoir sous quelle forme l'eau coule sous la terre. Alors on va en parler avec Roxane Lavoie qui a fait un doctorat sur le sujet à l'Université Laval, puis un stage postdoctoral au MIT et qui est maintenant chercheur postdoctoral à l'INRS. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors tout d'abord, je crois qu'il faudrait éclaircir cette notion d'eau souterraine. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est des lacs, c'est des rivières, ça coule comme ça sous nos pieds? En fait, très rarement, puis au Québec, je dirais pratiquement jamais, l'eau souterraine se retrouve plutôt dans des couches de sol. Donc, le sol, on va avoir plusieurs couches de textures différentes, puis l'eau va se retrouver soit dans les pores d'une roche qui va avoir des petits trous. On peut imaginer peut-être comme une éponge, ce que j'allais dire, comme une éponge. Puis l'eau va se retrouver dans les pores, disons, de cette éponge-là, ou entre les grains de sable d'une couche qui va être plutôt granuleuse. Là. Fait que si on pense, des fois, peut-être qu'on va à la plage en étant petit, on a fait un trou, puis on voit l'eau qui s'accumule dans le trou. Ben, en fait, c'est de l'eau souterraine qui était entre les grains de sable. Ouais. Mais cette eau-là, elle n'est pas fixe à son endroit, elle circule, elle rejoint l'eau de surface? Mais absolument. En fait, l'eau souterraine fait partie du cycle de l'eau, comme toute l'eau qu'on retrouve sur la planète. L'eau va s'infiltrer à un endroit, que ce soit par la fonte d'un banc de neige, que ce soit une goutte de pluie qui s'infiltre ou de l'eau qui va s'infiltrer, disons, où est-ce qu'il y a une rivière, un cours d'eau, un lac, puis va s'infiltrer à travers les pores du sol, comme ça, jusqu'à une couche qui va être saturée en eau, qu'on va appeler un aquifère. Puis l'eau va ensuite circuler, plus ou moins horizontalement, là, dans le sol pour éventuellement ressortir plus loin. Ça peut être dans une source, dans un cours d'eau. Ou dans un milieu humide, par exemple. Donc, tout ça, c'est des vases communicants qui circulent, l'eau circule de l'un à l'autre. Absolument. Alors, ça peut même aller jusqu'à un puits résidentiel, par exemple. Ah, ben oui, ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on la boit, cette eau-là. Absolument. L'eau de surface, on la voit quand même assez facilement. Il y a des lacs, il y a des rivières, on la voit, on prend une carte, on va voir tous les petits tracés bleus, on va la voir. Mais l'eau souterraine, comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'il y en a? Puis en plus, si elle est répandue, partie dans des différentes formes de roches, dans des éponges souterraines, finalement. Comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est, cette eau-là? Ben en fait, on le sait de plus en plus parce qu'on fait des études depuis quelques années. Comment on fait pour avoir des connaissances sur l'eau souterraine? En fait, c'est qu'on va faire des puits d'observation, des puits aussi qui existent déjà. Puis il y a des données qui sont prises à mesure qu'on creuse le puits sur les différentes couches de roches. Après, il y a aussi des méthodes pour déterminer à quelle vitesse l'eau va se déplacer dans le sol, son débit, des choses comme ça. Puis on va donc faire plusieurs puits sur un même territoire. Puis après, on va faire des déductions sur ce qui se retrouve entre les puits d'après ce qu'on connaît déjà. Puis comme je disais, au Québec, on connaît de mieux en mieux notre eau souterraine parce qu'en 2008, il y avait eu un programme du ministère du Développement durable qui s'appelle le programme d'acquisition de connaissances sur l'eau souterraine qui visait à... qui vise encore, parce que le programme est toujours en cours, qui vise à acquérir des connaissances sur les eaux souterraines dans toute la portion municipalisée du Québec, donc dans tout le sud du Québec où est-ce qu'on retrouve la majorité de la population. On voulait avoir plus de connaissances sur notre eau souterraine parce qu'on s'est aperçu qu'on la connaissait très mal. Donc, il y a plusieurs projets dans différentes régions du Québec là, qui ont été en cours de 2009 à 2013, puis après, il y a eu une deuxième vague de projets. Donc, on a déjà des données là, toutes récentes des premiers projets. Puis là, il y a une deuxième vague de projets qui est en cours pour acquérir encore d'autres données. Puis, si on est chanceux, on devrait peut-être avoir une troisième vague là, pour s'assurer de compléter. Une troisième vague de connaissances sur l'eau. Exactement, de sans terminer. Sans faire de jeu de mots. Donc là, ça nous donne donc, ces connaissances-là. Ça nous dit un petit peu où est-ce que est l'eau, ou si ça coule beaucoup, quel volume. Peut-être aussi des connaissances sur... physico-chimique, est-ce qu'il y a sur sa qualité. Sur la qualité de l'eau, et c'est ça. Oui. Mais donc, le fait de savoir ça, en quoi ça va influencer le développement territorial en surface. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir pour construire une école ou une route ou autre chose? Je dirais qu'il y a deux raisons là, qui sont la quantité puis la qualité de l'eau. Quand on fait une construction, si on va vouloir utiliser de l'eau, si on fait un nouveau développement résidentiel, on va avoir besoin d'un certain volume d'eau. Puis, en ayant ces connaissances-là sur les eaux souterraines, on va s'assurer que l'endroit où est-ce qu'on dirige le développement sur un territoire, par exemple, ben, on va avoir un volume d'eau qui est suffisant pour assurer le développement qui est prévu. Mm-hmm. Si les gens utilisent, ont un puits pour s'alimenter en eau? Absolument, ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on veut s'approvisionner en eau souterraine. Puis l'autre raison, donc il y a des raisons de quantité, puis c'est pas juste un développement, des fois ça peut être un seul utilisateur qu'on prévoit veut utiliser une très grande quantité d'eau, mm-hmm. Des fois ça peut être une industrie particulière qui a besoin de beaucoup d'eau ou une entreprise agricole qui va avoir besoin de beaucoup d'eau mm-hmm. aussi. Puis quand je disais pour la qualité, c'est qu'en fait, tant qu'on connaît pas les caractéristiques de l'eau souterraine, à peu près n'importe quelle utilisation qu'on va mettre à la surface du sol pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau souterraine. Fait que c'est-à-dire que l'eau souterraine est plus ou moins vulnérable. Mm-hmm. La vulnérabilité, ça va être la facilité avec laquelle les contaminants vont s'infiltrer à travers le sol pour se rendre jusqu'à ma nappe d'eau souterraine. Donc, si mon eau est très, très vulnérable, une seule maison qui aurait une installation septique qui est un peu défectueuse pourrait aller contaminer mon eau souterraine mm-hmm. que peut-être quelqu'un d'autre va boire par la suite. Ah oui. Des fois, si c'est des contaminants qui vont rester dans l'eau, ça peut contaminer à long mm-hmm. terme comme une station-service, un garage, des choses comme ça. Un terrain de golf où on met des pesticides, les pesticides peuvent couler, par capillarité ou je sais pas par infiltration peut descendre jusqu'à cette eau souterraine. Exactement. Mais l'eau souterraine ne va pas être vulnérable de façon égale à tous les endroits. Il y a des endroits où est-ce qu'il va y avoir des couches de sol qui sont plus perméables, mm-hmm. comme des couches d'argile, disons, là, où mm-hmm. est-ce qu'il y a très peu de pores ou qui mm-hmm. sont très, très fins. Donc l'eau va beaucoup moins passer à ces endroits-là. Puis donc à ces endroits-là, on peut se permettre de mettre des activités qui vont peut-être utiliser des substances mm-hmm. polluantes. Mm-hmm. Sans qu'elle s'infiltre jusqu'à l'eau souterraine. Ouais. Donc, c'est d'où l'intérêt de savoir si on a de l'argile ou du sable. Mais exactement. D'accord. Donc là, on voit le lien un petit peu entre l'eau souterraine et la planification, le développement en surface, le développement du territoire en surface. Mais est-ce qu'il y a une bonne prise de conscience de tout ça? Parce qu'on peut se dire, là, c'est des recherches qui sont faites à l'université, à l'INRS ETE. Mais les aménagistes, ceux qui font la gestion du territoire, l'aménagement du territoire, comment ils accèdent à ces données, est-ce qu'ils en sont conscients? De plus en plus, quand les projets ont commencé en 2008, il y avait déjà eu des projets pilotes qui avaient été faits. Mm-hmm. Puis je dirais qu'à cette époque-là, les projets pilotes étaient très mal connus. Il faut savoir, c'est pas que l'INRS non plus, là, c'est toutes plusieurs universités qui travaillent sur ces projets-là parce que c'est des projets qui sont énormes. Quand les projets ont commencé, donc les intervenants sur la planification du territoire là, ne connaissaient pas trop ce qui avait déjà été fait. Ils n'étaient pas très bien informés sur l'information qui existait. Puis quand les projets ont été lancés, on a voulu éviter que ça arrive aussi avec les nouveaux projets, puis donc que mm-hmm. les gens s'approprient pas ces nouvelles informations-là. Puis je dirais que de plus en plus, on a voulu vraiment bien les intégrer dans tout le développement du projet du début à la fin. Les aménagistes, les intervenants sur l'aménagement du territoire ont été impliqués quand on leur a expliqué comment le projet allait se dérouler, toutes les étapes. À la mesure qu'on avait des données, il y avait des rencontres avec eux pour leur expliquer. Puis en ce moment, on est en train de transférer cette information-là avec une stratégie de transfert, là, avec des ateliers où est-ce que les intervenants en aménagement vont vraiment interagir avec les données, mm-hmm. essayer de les comprendre un peu mieux. Ouais. Pour pouvoir s'en servir pour faire la planification de leur territoire. C'est ça, parce que peut-être que sinon les données étaient peut-être un peu indigestes pour les aménagistes ou ils ne savaient peut-être pas vraiment quoi faire avec ces données. Peut-être qu'ils n'en avaient pas connaissance du tout. Donc là, le tout, c'est de trouver le maillage entre les scientifiques qui produisent ces données-là et ceux qui doivent les utiliser pour planifier le développement du territoire. Oui, absolument. Mais en fait, moi, je m'étais penchée sur cette question-là très particulière de c'était quoi les obstacles pour permettre une utilisation de ces données-là dans la planification du territoire. Puis j'avais pu en identifier là, avec des entrevues, environ sept en fait, de façon très précise. D'abord, il y avait un manque de sensibilisation. Puis pas seulement auprès des intervenants en aménagement, mais aussi auprès d'un peu toute la population, comme on l'a dit précédemment, l'eau souterraine, on la voit pas. Donc, on l'oublie un peu, puis on se rend pas nécessairement compte que ça peut être risqué de faire les activités qu'on a sur le territoire. Après, il y avait un manque de formation, on connaissait mal l'eau souterraine en partant, donc c'est pas évident d'intégrer ça dans la planification, de comprendre les données. Il y avait aussi un manque d'information sur les données qui existaient. Comme vous l'avez dit, les données n'étaient pas toujours assez vulgarisées, assez claires pour un intervenant en aménagement. Puis le reste, là, c'est un peu plus politique, là, mais en fait, il n'y avait pas de mécanisme clair qui disait qui fait quoi, comment, quelle loi permet de protéger l'eau souterraine, puis qui ça identifiait pas très bien non plus la responsabilité. Ah oui. Donc, qui est responsable de protéger l'eau souterraine. Puis finalement, il faut savoir que l'aménagement, c'est un geste politique. Donc, un coup qu'on a fait tout le reste, qu'on a des données, qu'on sait à quoi elles servent, qu'on a identifié quelles lois, quels règlements vont permettre de faire quelque chose, puis qui doit le faire, mais il faut que les élus prennent la décision aussi. Puis là, on revient un peu au début là, de la file des obstacles. Ça prend de la sensibilisation, ça prend quelque chose de clair, ça prend des bons documents pour réussir à bien expliquer à un élu pourquoi c'est important de protéger l'eau souterraine. Et donc, finalement, on va conclure, là, parce qu'il reste vraiment très, très peu de temps. Mais finalement, donc, tout ce travail de sensibilisation auprès des aménagistes, de transfert de connaissances fait son chemin pour une meilleure planification, un meilleur développement des infrastructures en surface. Absolument. Je dirais que ça se passe bien, puis que dans le futur, on devrait voir les nouvelles données sur l'eau souterraine être beaucoup mieux intégrées dans la planification du territoire. Bien, merci beaucoup, Roxane, d'être venue nous en parler comme ça. Donc, je rappelle que, puis je crois que ça donne un bon exemple aussi de la recherche appliquée qui part de la connaissance de l'eau souterraine, où est-ce qu'elle est, sous quelle forme elle est. Et on peut se demander des fois à quoi ça peut servir de savoir qu'il y a de l'eau qui coule sous nos pieds. Finalement, ça se répercute sur le développement territorial en surface. Oui, si on va construire un hôpital, un développement résidentiel ou une infrastructure routière, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Roxane. Merci.